Le jeudi 21 juillet, il est 12h30, ici Dominique Lelièvre et les informations. D'abord, les tristes événements d'Orlando teinteront assurément la fête arc-en-ciel qui se tiendra, comme à l'habitude, au cours de la fin de semaine de la fête du travail du jeudi 1er septembre au dimanche 4 septembre. L'Alliance arc-en-ciel dévoilait ce matin la programmation de cette fête et pour la 12e édition, eh bien, c'est le thème « Briller de tous ces feux » qui a été retenu. Plus de 35 000 personnes sont attendues cette année. Écoutons le directeur général Louis-Philippe Tremblay. Avec ce qui s'est passé à Orlando, ben, ça a mis un peu d'ombre sur la communauté peut-être. Donc, pourquoi pas ben, se dire, ben, OK, on va combattre toute cette ombre-là avec la lumière, puis on y va avec des pensées positives. On a toujours une augmentation là, dans les dernières années. J'ai pas les chiffres exacts, mais je sais que l'an dernier, ça a été vraiment une année record. Il a fait super beau, évidemment. Donc, on a eu 30 000 personnes pour la fête arc-en-ciel. Cette année, on vise les 35 000, même s'il pleut. Donc, on est allé chercher aussi au niveau musical à la place Douville des noms un petit peu plus ben, connus ou qui vont peut-être attirer aussi la population en général. La programmation de la fête arc-en-ciel qui va inclure de nombreuses activités culturelles et festives. Les journées communautaires et la marche de solidarité sont tous deux de retour. Et nouveauté, cette année, le défilé des Lumières, le premier du genre depuis plusieurs années à Québec. Côté musical, c'est les Lost Fingers qui sont la tête d'affiche samedi soir à la place Duoville. Byron Mikaldoff, chanteur des Lost Fingers, nous donne les grandes lignes de ce spectacle qui se veut rassembleur. On va voyager dans du français à du anglais, c'est les classiques. Fait que le Lost Fingers en a monté dernièrement pour le Fête de la Francophonie, puis le Saint-Jean à Gatineau, un show entièrement français. On va faire beaucoup de ces pièces. On va faire les classiques que le monde aime en Lost Fingers. C'est sûr, on peut pas faire un show sans faire Pump Up the Jam. Puis il y a des nouveautés aussi qu'on fait. Puis non, ça va être un show super trippant. Et autre événement festif, les grands feux Loto-Québec qui seront de retour sur le fleuve Saint-Laurent pour une cinquième année cet été. Le lancement de programmation avait lieu ce matin également. C'est depuis une plateforme située en plein cœur du fleuve que seront lancés les spectacles pyrotechniques, soit à 500 mètres des spectateurs qui se trouveront sur les quais des rives nord et sud. La musique des six spectacles va s'inspirer notamment du Festival d'Opéra de Québec, du Festival Jazz, etc. à Lévis, ou encore du Festival Celtique de Québec. Mentionnons que les grands feux seront présentés dès 21h les samedis et les mercredis du 6 août au 24 août. En terminant, un cycliste a été happé par une voiture dans le quartier Saint-Sauveur. L'accident s'est produit vers 8h30 ce matin à l'angle du boulevard Charest-Ouest et de la rue Montmagny. Le cycliste ne se serait pas arrêté à un feu rouge. Il ne portait pas de casque de sécurité. Son état est considéré comme étant stable par les ambulanciers. Et c'est ce qui complète ce point sur l'actualité. Retrouvez-nous sur ckrl.qc.ca ou bien encore sur les réseaux sociaux pour plus de contenu.